الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد ففي الدرس الماضي أخذنا فصلين كذلك فصل في مكائد الكفار على المسلمين وباب تحريم التشبه بهم On a pris les deux chapitres qui étaient celui qui démontrait des preuves sur les stratagèmes, manigances et complots dont font preuve les koufars envers les musulmans, envers l'islam. Et également, on a pris une partie de preuves indiquant l'interdiction de chercher à ressembler aux koufars. اليوم سندخل في الفصل الخامس. Cinquième فصل qui est مفهوم العيد. C'est-à-dire, que signifie العيد, qu'on traduit souvent par fête en français, pour comprendre par la suite le jugement à émettre sur ces événements-là. Bon, après qu'il ait cité l'auteur une définition linguistique qui n'apparaîtra pas en français, donc on va s'en passer, il donna la définition terminologique, اصطلاحا. يقول اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود السنة أو بعود الأسبوع أو شهر أو نحو ذلك. Donc ça c'est une définition donnée par Cheikh l'Islam dans son livre dont je vous ai parlé hier qui est Iqtida as-Sirat al-Mustaqim. Donc Eid c'est un mot qui représente tout rassemblement qui se répète. Un rassemblement général qui se répète soit de façon annuelle, soit de façon hebdomadaire, soit de façon mensuelle ou autre. Ça peut être également quotidienne. Donc c'est ça ce qu'on appelle un Eid. C'est un événement, un rassemblement, une célébration qui se répète en un temps, en un moment particulier, pour une raison particulière. هذا والعيد مظهر ديني. Et le Eid, c'est une extériorisation, comme on dirait, religieuse. C'est une chose apparente religieuse. Comme encore le Ta'ala, « لِكُلِ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكَ هُمْ نَاسِكُوهُ » que nous avons donné à chaque communauté un culte qu'ils doivent appliquer. Donc il dit l'auteur, c'est pour cela que l'on trouve que tous les musulmans, malgré leur diversité, à travers leur pays, à travers leur couleur, à travers leur langage, leur langue, tous se réjouissent de l'arrivée du Eid, d'une grande réjouissance. Car ils savent que ce Eid, il est légiféré et que ce n'est pas une chose qui soit nouvelle. Mais cela depuis des siècles durant. Et malgré cela, on ne voit jamais les musulmans se lasser de ce Eid. À tel point qu'ils sont prêts à dépenser de grandes sommes pour cela, dans leurs vêtements, dans leur nourriture, dans leurs boissons. Et en faisant cela, ils n'attendent de récompense de personne, ni de remerciements. Ils ne font cela que par joie et par gaieté de pouvoir célébrer ce jour. Car en réalité, à part la récompense, ils n'ont rien à gagner de cela. C'est un jour de joie pour les grands comme pour les petits. Et cela se prépare. En fait, quand une parenthèse que j'ouvre, les gens qui sont eux en pays de Koufre, ils ne le voient pas. Ils ne s'en rendent pas compte. Mais dans un pays d'islam, quand c'est le jour du Eid, ben c'est le jour du Eid. Par exemple, quand vous voyez que c'est les fêtes des Koufars, vous le voyez en France. C'est apparent que ça va être les fêtes. Mais les Eid des musulmans, est-ce que les gens s'en rendent compte? Non. Ils ne voient rien du tout. C'est un jour comme les autres. Alors qu'en pays d'islam, ben c'est comme les fêtes de fin d'année dans les pays de Koufre. En pays d'islam, les jours du Eid, vous le voyez. C'est préparé à l'avance. Les rues sont décorées. Il y a des nourritures spécialement conçues pour cette occasion. Et ainsi de suite. Il y a les magasins qui font des soldes, des vêtements qui sont propres à cette occasion, qui sont vendus. C'est apparent, c'est voyant, c'est flagrant. Mais pour cela, il faut le vivre en pays d'islam. Ah, mais en pays de Kouf, voilà, les gens sortent, ils vont à la salle du Eid, ils s'habillent bien, ils rentrent chez eux, ça y est, c'est fini. Ils rentrent à la maison, ils mangent et c'est fini. Parce que, à la base, ce n'est pas leur territoire. Cette fête n'est pas prise en compte par l'État. Donc, ça ne se voit pas, ça ne se ressent pas. C'est comme Ramadan, ça ne se ressent pas. Il n'y a pas cette essence, cette âme spirituelle liée à l'adoration et à l'entité, l'entité islamique. On ne la ressent pas. C'est une réalité. Mais en pays d'islam, ça n'a rien à voir. Demandez aux gens qui sont pays d'islam comment ça se passe pendant l'Eid et vous verrez, et ceux qui l'ont vécu, ils savent qu'il y a une différence. Non. Ensuite, il nous cite une parole de Ibn Jawzi, mais qu'on ne va pas citer là, Inch'Allah, pour ne pas trop arranger le dars. C'est une faïda, mais elle n'a pas vraiment de gros rapport avec la mas'ala. Donc là, on vient de lire le cinquième chapitre. Il était court. Et là, on va prendre le sixième, qui lui aussi est court. يقول الفصل السادس الأعياد غير المشروعة. Donc maintenant il va parler des fêtes, des célébrations qui ne sont pas légiférées quand il y en a énormément. Beaucoup de fêtes ou de choses prises comme des fêtes, les gens vont dire c'est pas un Eid. Par exemple, les gens vont dire moi quand je fais ça c'est pas un Eid. On dit toi tu ne fais pas un Eid, mais la façon dont tu t'y prends en religion, on nomme cela comme étant un Eid. C'est comme les gens qui vont faire une chose, par exemple, ils vont faire une chose qui est décrétée en islam comme étant une ibada, une adoration. Il va dire, moi, quand je fais ça, je ne fais pas l'adoration. On dit, toi, tu ne fais pas une adoration, ce n'est pas ton intention, mais Allah Azawajal a jugé que cet acte est une adoration, donc tu ne peux pas le faire. Donc, on ne regarde même pas l'intention, on regarde, mujarrad zahir al-fi'al, que ce que tu fais là, ça rentre dans une chose qu'Allah a jugé comme étant telle et telle chose, donc ne la fais pas. Donc, le Eid, même si quelqu'un dit, moi, quand je fais ça, ce n'est pas un Eid comme le Eid al-Adha ou Eid al-Fitr, on dit, toi, pour toi, ce n'est pas le cas, mais en religion, ça rentre dedans. Donc, il ne faut pas le faire. Donc, comme vous le savez, Allah Azawajal a légiféré pour les musulmines deux occasions de Eid. La première, c'est celle qui a lieu après avoir accompli le siyam de Ramadan, qui est Eid al-Fitr, vous le savez. Et la deuxième, c'est après avoir accompli le Hajj, pour ceux qui ont fait le Hajj. Et c'est Eid al-Adha, ils appellent ça Eid al-Kabir, ou Akaza, c'est celle où on fait le sacrifice, pour qui on a les moyens. Et c'est ce Eid-là qui est suivi de trois jours qui sont Ayyam Tashriq. Pour lesquels le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a dit Ayyam Tashriq, Ayyam Akl, wa Shurb, wa Zikrunillah. Ce sont des jours de manger, de boisson et d'évocation d'Allah Azawajal. Ce sont des jours de fête qui suivent en fait le vrai jour du Eid, c'est ce qu'on appelle Eid Adha. Et certains jours, certains autres moments ont été également nommés comme étant Eid, mais ils ne sont pas de Eid officiel. Comme par exemple le Jumu'ah. Le Jumu'ah, c'est un jour de Eid en fait, hebdomadaire. Et vous voyez, ça rentre dans la définition qu'on a dite tout à l'heure. C'est un rassemblement qui se fait de façon hebdomadaire, générale, pour une occasion particulière, en un lieu particulier, en un temps particulier. Arafat, c'est un jour de Eid également. Et les Ayyam Tashriq sont des jours du Eid. Et ainsi de suite. Mais ce qu'on appelle vraiment le Eid al-Ma'ruf, ce sont les deux cités là. Et l'imam Ahmed, ainsi qu'Abu Daoud Nasa'i, Al-Hakim, ont apporté un hadith de Anas ibn Malik, radiallahu anhu, قال قدم النبي صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة يومان يلعبون ولهم يومان يلعبون فيهما. Je pense qu'il manque un mot là. في الجاهلية. فقال قدمت عليكم ولكم يومان تلعبون فيهما في الجاهلية. وقد أبدلكم الله بهما خيرا منهما يوم النحر ويوم الفطر. Donc lorsque le Nabi صلى الله عليه وسلم est arrivé à Medina lors de sa hijra, les Ansar avaient deux jours lors de lesquels ils se distrayaient. Avant l'islam. Et il a dit, le prophète Mohammed, je me suis rendu auprès de vous, et vous aviez à ce moment-là deux jours lors desquels vous pouviez vous distraire, jouir, dans la jahiliya. Et Allah vous a remplacé par mieux que ces deux jours-là, qui sont Yom el-Nahr, c'est le jour du sacrifice, donc c'est Eid el-Adha, et Yom el-Fitr, qui est le Eid qui a lieu après la Ramadan. Donc ce hadith-là, il est explicite, il est clair, que nous avons deux Eid qui ont été décrétés par Allah Azawajal pour remplacer les Eid qu'ils avaient auparavant. Donc il n'y a pas d'autre Eid à avoir. Quand Ibn Hazm, هما عيد الفطر من رمضان وهو أول يوم من شوال ويوم الأضحى وهو اليوم العاشر من ذي الحجة ليس للمسلمين عيد غيرهما. ابن حزم il a dit que donc les deux عيد cités dans le hadith c'est عيد الفطر qui a lieu après Ramadan qui est le premier jour de Shawwal du mois de Shawwal le mois lunaire égyrien et le jour l'Adha c'est le dixième jour du mois de Dhul-Hijjah. C'est le lendemain de Arafat. Le jour où les gens qui ne sont pas dans le Hajj, ils leur ont recommandé de jeûner, alors que ceux qui font le Hajj, eux ne jeûnent pas ce jour-là. Et ils sont réunis à Arafat. Et il dit que les musulmans n'ont pas d'autre jour de Eid en dehors de ces deux-là. Il n'y en a pas. Donc il dit l'auteur par la suite que le Eid est de deux catégories. Il y a le Eid qui est mashrou' par le kitab ou la sunnah. Donc le Eid, en arabe le pluriel c'est A'yad. Eid, A'yad, selon tout le monde parler. Et il y a des A'yad, des Eid qui sont eux prohibés. Ça s'appelle un Eid, certes, mais il n'est pas légiféré. Donc soit c'est un Eid qui a été abrogé par l'islam, ou alors c'est un Eid qui a été innové. Et la plupart d'entre eux que l'on voit aujourd'hui sont des ayats qui sont innovés. Et on en voit beaucoup dans les pays musulmans. Et il y en a beaucoup chez les koufars. Bon, selon, on ne les prend pas en compte. Sauf que, comme on disait hier, les musulmans ont malheureusement suivi aveuglément les koufars et sont mis à même célébrer certains des ayats des koufars. Ou à faire en faire un similaire à travers leur pays et à travers leur histoire. Donc parmi eux, il cita par exemple, là il parle des ayats que l'on trouve dans les pays d'islam. Eid al-Ghadir, c'est un jour où le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, c'est un lieu en fait qui se trouve entre Mecca et Medina, et un jour le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il aurait fait les éloges de Ali, radiallahu anhu. Donc c'est un Eid qu'on trouve chez les Shia, chez les chiites. Et c'est un Eid qui n'a pas lieu d'être. Il y a Eid awal khamis min al-Rajab. Le Eid du premier jeudi du mois de Rajab. Il y a Eid Mawlid et Nabi, ça, c'est ce qu'on appelle le Mawlid. Comme vous savez, c'est la célébration de la naissance du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ça, c'est le Eid qui est le plus connu parmi les ayats qui sont innovés. Et ce Eid, d'accord, il n'a pas lieu d'être. Plein d'audio ont été dit. Les gens de la sunna sont unanimes par rapport à cela. Les savants de la sunna ont mis en garde contre ce Eid qui n'a pas lieu d'être fait, qui malheureusement les gens le font quand même, car il est une innovation, déjà en lui-même, et en plus, il est une ressemblance avec les koufars qui, eux, fêtent Noël. Car Noël, de base, c'est la naissance de Issa, d'après eux. Donc, en faisant cela, les musulmans font une chose similaire, car ils veulent, d'après eux, prouver leur amour envers le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Alors que le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam, son amour, comment on le prouve? En le suivant, en lui obéissant. C'est ça, aimer le Nabi, sallallahu alayhi wa sallam. Et non pas faire des choses qu'il n'a pas faites, et à qui il n'est pas appelé, que ses compagnons n'ont pas fait également. Donc si tu aimes le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'aimer, c'est le suivre, et c'est lui obéir. Et le Nabi sallallahu alayhi wa sallam a mis en garde contre les bid'a. « Kulli bid'atin dalala » Toute innovation est égarement. Il a dit « Alaykum bi sunnati wa sunnatul khalafa rashidin al-mahdiyin wa ghudu alayya bin nawajid wa iyaakum wa muhdathati al-umur » Il a dit « Accrochez-vous à ma sunna et à la sunna des califs bien guidés. Et accrochez-vous, mordez-y avec les molaires et prenez garde aux choses nouvelles. » Donc il nous a mis en garde contre cela. Et aujourd'hui, la plupart d'entre nous, qu'est-ce qu'on fait? On va faire le Mawlid. Et dans ce Mawlid-là, il se passe des choses incroyables. Entre certains qui font juste la fête et d'autres qui font du shirk, qui invoquent le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, qui prétendent qu'il vient, de voire même sont partis dire que la nuit de Mawlid est meilleure que Laylat al-Qadr. Et ça, c'est du kufr de dire cela. Donc vous voyez, ça commence par quelque chose de petit et ça finit par quelque chose de gravissime. Car les premiers qui ont instauré ce Eid de Mawlid n'étaient pas ces croyances-là. Eux, c'est juste qu'ils voulaient faire un jour de fête. On en arrivait au stade où certains sont partis dire que la nuit de Mawlid est meilleure que la nuit de Laylat al-Qadr. Subhanallah. On a Eid al-Hub. Ça, c'est la Saint-Valentin, en fait. En français, c'est la fête de l'amour. Et vous savez que cette Eid-là également, c'est un Eid à la base chez les koufars, c'est pour les fornicateurs, hein. C'est des copains, les petites copines qui font, voilà. Vous savez ce que c'est. Et de là, les musulmans l'ont suivi. Donc, l'amour n'a pas de fête. Et l'amour, c'est une hiba d'Allah, Azzawajal. D'accord? L'amour n'est pas une chose qui est forcément indispensable, c'est une chose que Allah Azzawajal nous gratifie et nous donne pour compléter les relations conjugales. Sans quoi, vous pouvez trouver de l'amour chez des gens qui ne sont pas mariés. Et vous pouvez trouver des gens mariés qui n'ont pas forcément d'amour, mais qui se respectent, qui respectent la religion et qui s'entraident. C'est juste un sentiment que Allah met dans les cœurs. Donc, il n'y a pas à le célébrer. C'est un sentiment, une émotion. Et celui qui arrive à réunir entre le halal, le mariage, plus l'amour, Allah, c'est magnifique pour lui, sans aucun doute. Mais un couple qui s'aime, concrètement, ils n'ont pas à le fêter. C'est leur amour, il est exprimé tous les jours, au quotidien. Malgré qu'il peut y avoir des fois des hauts et des bas, mais c'est une chose qui ne se fête pas, c'est une chose qui se fait tous les jours. Tous les jours. Que l'époux donne de la marque d'amour envers son épouse, ou le contraire. Tous les jours. C'est comme la fête des mères, qui va citer d'ailleurs. Comme la fête des mères, on savait très bien qu'en islam, à la base, vu le droit que la mère a là, c'est la fête tous les jours pour elle, de base. Donc il n'y a pas de jour à exprimer la fête des mères. D'ailleurs, vous voyez les koufars qui font la fête des mères, ils maltraitent leur mère toute l'année, sans maison de retraite, et le jour de la fête des mères, ils viennent avec une boîte de chocolat, un bouquet de cadeaux, un bouquet de fleurs, maman, voilà, bonne fête, et hop, il s'en va. Quelle fête t'as fait, là? Toute l'année, ta mère, elle est à la maison de retraite, et ce jour-là, là, tu viens, tu fais un petit cadeau et tu t'en vas. Ça, c'est la moquerie, ça. Si vraiment tu aimes ta mère, tu ne la mets pas en maison de retraite, de base, si tu peux l'entretenir. Et une mère respectée en islam, c'est la fête pour elle tous les jours. Donc, on n'a pas à particulariser un jour en dehors d'un autre pour faire cela. Et cette fête, à la base, que les musulmans font la fête des mères, ils l'ont prise des koufars. On a Eid al-Shahid. C'est le Eid du martyr. Je ne sais pas c'est quoi son origine. Mais ça, c'est une Eid qu'on a chez les musulmans. On a Eid al-Jala. Kazalik, je ne sais pas c'est quoi. On a Eid al-Istiklal. C'est la fête de la dépendance. Ça, vous allez voir, tous les pays presque ont été colonialisés ont cette fête-là. Pour fêter le jour où ils sont déliés des colons. Ils fêtent cela. Et pourtant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il a repris Mecca. D'accord? Ça s'appelle Yom el-Fath. El-Fath, la conquête. Est-ce qu'il y a une fête par la suite? Il n'y en a pas eu. Et pourtant, c'était un jour qui était plus important que tous ces jours réunis. Est-ce qu'il y a une fête par la suite? Il n'y en a pas eu. Lorsque le Nabi sallallahu alayhi wa sallam est arrivé le Medina de sa hijra, le jour où les Ansar l'ont accueilli, c'est un jour qui est emblématique, car c'est de ce jour-là que démarre le calendrier égyrien. Et cela selon le décret de Omar. Ce n'est pas une chose qui est basée à la base sur un dalil. Ça, c'est un acte fait par les sahaba, mais qui était unanimement reconnu comme étant valable, pour qu'on ait un calendrier. Cependant, le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, sur son arrivée à Al-Medina, ce n'est pas devenu un jour de Eid par la suite. On a Eid al-Julus mimma yuj'alu l'Iwalaya Bard el-Moluk. Je pense que c'est en fait l'équivalent de la fête des rois. C'est le jour où on accorde la royauté au roi. Et ça, je pense qu'également, c'est pris des koufars. On a Eid el-Ummal, c'est la fête des travailleurs. On a Eid el-Umm, dont on a parlé tout à l'heure, la fête des mères. On a Eid el-Shajara. Je ne sais pas c'est quoi Shajara, là-bas c'est arbre, c'est tout ce qui est végétation. Ensuite, on a Al-Ihtifal bi-Ras al-Hijriya. Donc on a le nouvel an égyrien que les musulmans font également. C'est un peu les tricheurs, regardez, ils jouent sur les deux quand on fait le jour de l'an des grégoriens, on fait le jour de l'an égyrien. Allez, ils veulent tout prendre en fait. Donc ni l'un ni l'autre, ni l'égyrien n'existe, ni le grégorien, encore moins. Il n'y a pas de célébration du jour de l'an. On n'en a pas nous en islam, malgré le calendrier que l'on a, tout comme il n'y en a pas dans le calendrier grégorien. Et après, il cita justement, pour finir, l'Ihtifal bi-Ras al-Miladiyya. Celui dont on va parler demain, Inch'Allah Ta'ala. Après, vous savez, d'autres sont venus les anniversaires. C'est la même chose. Les musulmans ne fêtent pas les anniversaires. Ce n'est pas une coutume des musulmans et ça rentre dans le Eid, ça rentre dans la définition qu'on a dit au début, que c'est une chose qui se répète annuellement pour une occasion particulière qui est le fait que tu aies un an de plus. Et comme je l'ai dit, mais qu'est-ce que tu fêtes là? En fait, tu fêtes le fait que tu te rapproches de la mort. Tu t'en rends pas compte. Les gens disent, ouais, j'ai eu 21 ans, après j'ai 22 ans, après 23 ans, après 24 ans. Tu vois que t'es en train d'avancer. T'avances vers où? Vers où t'avances là avec le temps? T'avances vers ta fin. Tu fais de ça. Normalement, plus t'avances dans le temps, plus tu devrais avoir peur et te calmer et aller de l'avant. Non, les gens, ils font la fête. Et les musulmans, pourquoi ils font les anniversaires maintenant? Pour copier les koufars. Sinon, ça n'existait pas avant les anniversaires chez les musulmans. Jamais. Ils ont préféré les koufars. C'est encore un taqlid. Donc, fêter l'anniversaire est une chose qui est une innovation. Les gens vont dire, mais moi, c'est une chose qui est personnelle, c'est de ma vie, ce n'est pas lié à la religion. On dit que ton acte en fêtant l'anniversaire, rentre dans la définition du ride, et ce ride, c'est une chose que seule la religion peut décréter, et pas nous. Donc, l'anniversaire est à délaisser. Tu peux faire des cadeaux à ton enfant quand tu veux. Ce n'est pas un problème. Déjà, même au ride, on fait des cadeaux aux enfants. Quand ils font des bonnes choses pour les récompenser. On n'a pas besoin d'avoir un jour particulier, lui faire un cadeau. Pour cela. Ou pour les enfants, ou pour les amis, ou pour quiconque. Et vous savez, si on s'amusait à fêter les anniversaires des gens, mais toute l'année, on se ruine. Il y a le cas de l'anniversaire de la mère, du père, des frères, des cousins, des enfants, des grands-pères. Ça y est, tous les jours, on fait un cadeau. T'as plus rien, au final. Il n'y a plus rien, au final. Vous imaginez le takallouf sur ce qu'ont des grandes familles. Subhanallah, c'est une moussiba. Et d'ailleurs, parenthèse, je me rappelle les gens qui... Il y a des gens qui étaient dégoûtés avant, c'est les gens qui étaient nés aux alentours de Noël. Ceux qui avaient une date de naissance aux alentours de Noël. Ils disaient, ah, c'est de la triche, moi je suis prêt, près de Noël, j'ai pas de cadeau, j'ai qu'un seul cadeau, celui de Noël. Alors que les gens qui ont un anniversaire, ils ont un cadeau d'anniversaire et après ils ont Noël. Donc les gens étaient dégoûtés de naître près de Noël, à la base. On dit parce que vous avez inventé des fêtes et vous inventez vous-même une injustice par la suite. Ces fêtes-là n'existent pas en islam. Et si tu veux faire un cadeau à quelqu'un, tu peux le faire quand tu veux. Les sadaqa et les hadaya, c'est des choses qui sont légiférées à n'importe quel moment. Ou alors si on fait pour une occasion, c'est une occasion particulière qui ne se répète pas forcément. Par exemple, ton enfant, il a appris le Coran par cœur, tu lui fais un cadeau. Ton enfant, il a fait quelque chose de bien, tu veux le récompenser, tu lui fais un cadeau. Ton épouse, il a fait quelque chose de bien, tu veux lui faire un cadeau. Et ainsi de suite. Une occasion, mais c'est pas une chose qui se répète à chaque fois le même jour, au même moment. Ça vient là. On va dire, c'est occasionnel, ce n'est pas répétitif. Comprenez ? Non. On a également chez les koufars la fête de la musique, ça c'est l'une des pires, parce que la musique c'est haram de base. On a la mystice en France, on a la fête d'Halloween maintenant que même les musulmans y font, c'est à la base une fête qui est shirkiya, et dans laquelle les enfants se déguisent en monstres, en shayatin, pour aller frapper chez les gens, aller mendier, demander des bonbons. Certains disent un bonbon ou un sort, c'est quoi un sort ? C'est du sihr à la base, on joue pas avec ça. C'est parmi les plus grands des péchés, les enfants s'amusent à faire ça, parce qu'ils copient quoi ? Les koufars. Et les musulmans encouragent les sans enfants à aller faire cela, mais c'est haram, haram, haram, alaykoum. Halloween, c'est peut-être, c'est pire que le jour de l'an. Car c'est une célébration qui à la base est shirkiya. J'ai fait une khutbah al-jumu'ah quand j'étais en France, j'en ai parlé. Pour ceux qui veulent l'écouter, ça va l'origine de Halloween. D'accord? Comme c'est la Toussaint, c'est l'origine, la Toussaint, c'est la version christianisée de Halloween. Qui est la fête des morts, en fait. Avec une croyance qui est elle-même, païenne. Donc on n'a pas à le faire. Et malheureusement, maintenant ça se déploie. Et les musulmans, leurs enfants participent à ce genre de fête. Hada haram alayna, on n'a pas le droit de faire cela. Alors maintenant, on a parmi les pires des fêtes maintenant qui sont faites, c'est la Gay Pride. Alors celle-ci, je pense qu'on n'a même pas d'en discuter, qu'ils appellent maintenant la marche de la fierté, alors que c'est la marche de la honte pour nous. Ils appellent ça la marche de la fierté, je crois, la Gay Pride. C'est devenu maintenant une fête officielle dans les pays de Kouf. Et il se passe ce qui s'y passe, comme vous le savez. Voilà, Azbillah. Donc voilà, aujourd'hui, ça c'est assez court. Et demain, ça sera vraiment le vif du sujet concernant le jour de l'an. Bi'iznillah ta'ala. Fanaktafi bi'ad al-qadr. Fasubhanaka wa bihamdik. لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته